Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec Mario Fecteau, auteur québécois de romans jeunesse. Nous l'avons laissé hier alors qu'il nous parlait de son roman L'envol du dragon. Ensuite, pendant que j'étais en train d'écrire justement L'envol du dragon, j'étais légèrement en panne d'inspiration, alors j'ai décidé de faire une pause une semaine. J'ai décidé de regarder les trois films Seigneur des Anneaux, un par soir. Et pendant que je regardais le deuxième, je me suis dit, si je laissais tomber la science-fiction et que j'essayais d'écrire quelque chose dans ce genre-là, qu'est-ce que je pourrais faire? En une dizaine de minutes, j'ai imaginé la série Les Maîtres du Pentacle. Les deux premiers romans de cette série ont maintenant été publiés aux éditions Michel Quintin et le troisième sortira fin mars, début avril 2010. Cette série-là aura donc cinq romans, Maîtres du Pentacle. Il y a une certaine logique. Mais cet univers, l'univers que j'ai créé autour pour faire ces romans-là est suffisamment riche pour pouvoir faire d'autres romans plus tard dans cette série. Il pourrait y en avoir jusqu'à une quinzaine. Là-bas tu vas, psalmodier une formule magique. Sourcils arqués, paupières à demi-closes, la souveraine du monde connu répétait les mêmes mots encore et encore. La sueur qui coulait sur son front et dans son cou ne paraissait pas la déconcentrer. Ses cheveux châtain clair, normalement coiffés en boucle, étaient aplatis comme à la suite d'une averse. Lama ne semblait pas s'en soucier, ce qui n'étonnait nullement Twilop. Quand sa maîtresse atteignait ce niveau de concentration, le monde aurait pu s'écrouler autour d'elle sans qu'elle bronche. L'hermaphroïde assistait souvent aux séances de travail de la magicienne, mais rarement sa créatrice avait montré autant de fébrilité. L'espèce de cocon, installé directement sur le sol en pierre, ressemblait à un chou géant. Twilop savait ce qu'il contenait et le fixait, anxieuse de voir si sa maîtresse allait enfin réussir. C'était d'une cosse semblable que l'hermaphroïde était née 10 ans plus tôt. Elle avait survécu, malgré une faible constitution physique qui l'avait handicapée des premières années de sa vie. Les autres hermaphroïdes étaient toutes mort-nées, de sorte que Twilop restait pour le moment la seule représentante de son espèce. J'ai aussi en projet un petit roman que je vais écrire d'ici à la fin de l'année pour les éditions Boréales, pour les remercier de m'avoir donné ma chance. Un roman jeunesse qui va s'intituler La marque de la licorne. Ce sera un peu de la fantaisie, oui, effectivement. C'est une licorne qui protège un village. Et, il y a une personne dans le village qui est apte à communiquer avec la licorne, mais compte tenu que sa mère est morte quand cette personne était très jeune, elle ne le sait plus. Elle ne le sait pas, elle ne l'a pas appris. Alors, le village est en difficulté et elle va finir qu'elle l'apprend. Mais revenons au Maître du Pentacle. Quand j'ai imaginé la série Les Maîtres du Pentacle, j'ai récupéré des idées que j'avais pour d'autres romans de science-fiction. Des romans de science-fiction que j'aurais voulu faire. J'avais parfois quelques petites idées pour des nouvelles ou des romans. J'ai récupéré les idées un peu partout et les ai ramenées dans la série. Par exemple, j'avais eu l'idée d'astronaute qui voyage de planète en planète et qui, à un moment donné, aurait découvert une vie intelligente végétale sur une planète. Alors j'ai récupéré ces personnages qui sont des végétaux et ils sont devenus les Versèves qui se retrouvent dans la série Les Maîtres du Pentacle. Alors, les Versèves nous ressemblent, sauf qu'ils sont verts et ce sont effectivement des plantes. Et lorsqu'ils se plantent les orteils dans le sol, ils leur poussent des feuilles, ils se camouflent, ils prennent l'apparence d'un arbre. Excellente idée. Ensuite, l'autre trouvaille que j'ai utilisée, c'est le personnage de Twilop, qui est une créature appelée une hermaphroïde. Que la méchante déesse qui dirige le monde trouve que s'il y a des guerres et des conflits, c'est parce qu'il y a différentes espèces et même parce qu'il y a des mâles et des femelles. Elle a donc décidé qu'il fallait que toutes les espèces soient transformées pour devenir une seule unique espèce et qu'ils soient à la fois mâles et femelles. Twilop est... Twilop est la première de ces créatures qui a été créée par la déesse, mais un autre magicien a réussi à la tourner contre la déesse. Elle va donc participer à l'aventure pour retrouver les morceaux de Pentacle et ainsi détruire la déesse. Les trois dracars étaient amarrés au quai. Quelques vikings s'affairaient autour des navires, y transportant caisses, barriques et autres fournitures nécessaires au voyage. Au dire des navigateurs du Nord, la traversée jusqu'au pays des Cyclopes ne serait qu'une affaire de routine, de 10 à 15 jours selon la coloration du climat. Nolotte soupira. La peur atavique des centaures pour les voyages sur l'eau le rendait nerveux. Il priait Icuis pour qu'il leur accorde des vents favorables. Autant qu'il put en juger, il semblait aux centaures que les navires vikings étaient prêts à l'appareillage. Il se trompait peut-être, cependant, car il avait pensé la même chose la veille. Cénid affirmait au contraire qu'il fallait embarquer d'autres réserves avant le voyage et attendre une marée propice au départ. Nolat laissait de bonne grâce ses détails à Cénid et à ses compatriotes. Humains, cyclopes et géants naviguaient volontiers, mais les centaures fuyaient tout ce qui dépassait la taille d'un étang. La vue de l'océan rendait à elle seule les centaures nerveux. Paradoxalement, leur capitale se trouvait en bord de mer. Ils avaient donc érigé une haute muraille qui cachait les flots et, de plus, les quartiers des ambassades et ressortissants étrangers mettaient encore plus de distance entre l'eau et les huttes centaurines. Donc actuellement, il y a 2 volumes disponibles en librairie. Le troisième sortira fin mars, début avril. Alors, la série donc s'appelle « Les Mains du Pentacle ». Et le monde que j'ai créé est divisé en 5 régions qui utilisent les 5 points cardinaux chinois, c'est-à-dire nord, sud, ouest, est et centre. Donc, dans le premier roman, il s'intitule Nord. Ils sont allés chez les Vikings. Dans le deuxième, c'est ouest. Ils sont allés chez les Cyclopes. Le troisième, qui sort au mois de fin mars, début avril, sud, au pays des Centaures. Dans le quatrième, ils vont aller en l'est, chez les Versèves. Dans le cinquième, ils vont revenir au centre et ils vont confronter la déesse. Les Mains du Pentacle, on peut le trouver à peu près partout, dans toutes les bonnes librairies, même parfois dans les tabagies, les pharmacies. J'ignore pour l'instant s'il est en Europe, mais je sais que l'éditeur a certaines de ses séries en Europe et il veut essayer de la placer. Les romans de Mario sont disponibles effectivement un peu partout au Québec, en librairie. On les retrouve également sur Amazon.ca, sur le site de la librairie Pantoute à www.librairiepantoute.com et sur le site de l'éditeur www.éditionsmichelquintin.ca. Je vous invite également à visiter le site de la série à maitredupentacle.com. Merci Mario d'avoir participé à notre émission. Et à nos auditeurs, merci de votre attention et à bientôt.